بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par l'aube. وليال عشر. Et par les 10 nuits. والشفع والوتر. Par le pair et l'impair. والليل إذا يسر. Et par la nuit quand elle s'écoule. هل في ذلك قسم لذي حجر. N'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence ? ألم تر كيف فعل ربك بعاد. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Had ? إرم ذات العماد. Avec Hiram, la cité à la colonne remarquable. التي لم يخلق مثلها في البلاد. Dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Et avec les Tamoud qui taillaient le rocher dans la vallée. وفرعون ذي الأوتاد. Ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux. الذين طغوا في البلاد. Tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays. فأكثروا فيها الفساد. Et y avaient commis beaucoup de désordres. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Donc, ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment. إن ربك لبالمرصاد. Car ton Seigneur demeure aux aguets. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve, en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». كلا بل لا تكرمون اليتيم. Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins. ولا تحاضون على طعام المسكين. Qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. وتأكلون التراث أكلا لما. Qui dévorait l'héritage avec une avidité vorace. وتحبون المال حبا جما. Et aimer les richesses d'un amour sans borne. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée. Et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Et que ce jour-là on amènera l'enfer, ce jour-là l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir? يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Ce jour-là donc, nul ne sera châtié comme lui châtie. ولا يوثق وثاقه أحد. et nul ne sera garrotté comme lui garrotte. يا أيتها النفس المطمئنة. Ô toi, âme apaisée. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. فادخلي في عبادي. Entre donc parmi mes serviteurs. وادخلي جنتي. Et entre dans mon paradis.